dors pas la nuit, je compte tous les moutons. Si tu le sens voir pas, je compte sur toi. À mon échange, les gens plus rien à faire ici. Faut que je vive à toi, tu vois, je veux dire. Je me verrai bien loin sur une belle île. Je me montre pas, mais je dors pas, casse pas la tête. Je sais qu'il y a un bon Dieu, lui a dû retenir. Quand il y a embrouille, il y a peu de soldats qui t'aident. Ça me suit de près d'être ta gueule, je puis le voici, ça fait le mac. Je prends le rond-point, je fais trois tours. En fin de rentrée, je fais des détours. Je me prends des bûches à la tour, j'ai fait la toffe avec les choppers. C'est la zone en personne, nanana.